La Corée enregistre toujours de grands succès dans divers domaines de l'économie nationale. Le ministère de l'Industrie électrique a dépassé le plan de juillet à 103,8% et le ministère de l'Industrie houillère a extrait plus de 148 000 tonnes par rapport au projet de production de juillet. Le ministère de l'Industrie métallurgique a achevé le plan de juillet selon les indices comme la production de l'acier laminé et du minerai. Le secteur de transport des chemins de fer a dépassé le plan de messagerie de juillet à 110%. Les ministères de l'industrie mécanique, de l'industrie d'extraction et de l'industrie électromagnétique ont accompli avant terme le plan de l'économie nationale de juillet et les ministères de l'industrie légère et de l'industrie de transformation alimentaire et des articles d'usage courant ont accompli respectivement le plan de juillet à 125% et à 122%. Le ministère de l'Industrie et de la Pêche a achevé avec succès le plan de pêche des poissons de juillet et les unités de protection du domaine sanitaire ont également dépassé le plan de juillet. Par ailleurs, dans les chantiers de construction de l'avenue du Mont, la construction de l'ossature du bâtiment numéro 4 de l'Université Kim Il-sung est terminée jusqu'au 31 juillet.